Fais pas les caillards, faites pas les caillards. Seine Saint-Denis, c'est fiant sur le préfet. La crosse est greffée, c'est ça la mon réfé. Veux pas sur le micro, et jette sur le féfé. J'arrive en nouveau linge, nouveau label, tout gîte. Tout speed, pour relater les faits. Les frères sont tous vides, crochets d'Apollo Creed. Et d'un coup j'appelle te fois, c'est du meilleur effet. Même la darogone m'appelle fiant sur man. Allah Allah, mandons les mains qu'on gagne. 42 fièvres, les rapaces m'accompagnent. Man, on vise pas le sommet, man, on casse la montagne. Tu veux pas ta place, mais sur la place on est beaucoup. Pas dans la nuque, y'a encore des hauts coups. Referme un peu ton huc, je t'explique deux trois petits trucs. Sors l'épée de Luc, la manche est à Goku. Ouais, j'gros sac, j'prends toutes les villes du 9-3. J'appelle un frérot Jack, zéro Nunchak, bourré au Jack. J'te montre qui t'avantage, un chevalier du Zodiac. Tu veux le meilleur, il faut laisser le pire passer. Le moral est chic, le sourire cassé. Qu'est-ce qu'ils vont me faire ceux-là? J'ai grandi dans les pires grâces, on le souffle, tracé. Le vide, on cuir glacé. C'est blanc, mais ni tu manges de gré ou de force. Tête de Bilka, équipe Tigane ou Corse. Attache les traites à leur mec comme des chiens. On est sec, on est plein comme la famille Boucorse. Fais pas ton blaire, prends ta gigore. C'est selon la température qu'on change de décor. Dédicace à masser, marcher que des pavés. On danse à la caster sur le cours de tes morts. On veut des armées de l'or, des armées de l'or. On tient du quatrième, on va pas te jeter glorier. On sort tous la fourrière, nous on répertorie. Chez nous on fuck le boss, demande à Serge Aurier. Ah mais t'es chaud toi, tu viens d'Oudia. Canon chié capuché sous la Columbia. Ah mon vieux tu tombes bien, ici c'est le 9-3. Ici c'est le 1-3, Nahal on est combien? Ouais ouais c'est quoi l'embrouille, ouais que pas chaud. J'en mets un pied dans le game, j'entends Achaya Fianso. Leur père. Génération assassin, nos anciens aussi, ouais, mais c'était pas des rappeurs, frère. Oh, je casse, on est sorti de l'œuf. Je les pousse tous à vous, c'est ton grand-père, le petit ref. Du monde des champignons, Jinkas, Yabou, Akram, du lutte, et qui m'a du 19. Eh baby, vamos, pareil ma place. J'suis dans le camos, avec carrément ma base. Grosse, trop mon grosse théâtre. J'rappe, c'est la manif. Les deux pieds dans le carré, vive, plein main sur le salif. J'suis dans le bas de Pandaret. Mélou du Hesli, tu veux m'allumer, bâtard, j'suis dans le fond du cabaret. Mon salif sous la coudoir, tu peux te gagner sur son dos guerre, j'paye la fourrière. Des cœurs de glace, des armes en pierre. Des petits y'a de faire avaler des armes entières. Mon cri plus qu'on t'invite, effet de surprise ma bite. J'attendais à ma porte depuis avant-hier. Parti on essaye, ça représaille. Une acheter une offerte comme à l'époque de Yesai. J'ai qu'on bousillé, on croque, fusillade en plein air. J'les fais tous trembler leur mère comme une convoque à Versailles. Fianso,